Bon alors, tu étais présent, tu as été arrêté et tu as fait administrativement. Ouais. Donc bon, tu peux peut-être un peu expliquer la scène. Donc concernant l'accident du, l'accident du policier, voilà, pour moi c'est clairement un accident parce que en fait les policiers nous poussaient par derrière et celui-là se trouvait devant et avec l'effet de foule il est tombé. D'ailleurs il y a d'autres militants qui sont tombés avec lui. Et apparemment on n'a pas entendu de cri, on n'a pas entendu de crack de bruit d'os. On va se bouffer une pita parce que. Ça va. Mais il est où Cyril? Il est juste ok, mais j'arrive d'une seconde. Okay. Et donc on n'a pas entendu de cri, on n'a pas entendu de bruit d'os ou quoi. Et deuxièmement, on est resté là au moins encore une demi-heure sur place. On n'a pas vu d'ambulance, on n'a rien vu. Et selon certains militants qui sont fait arrêter, si tu veux, je te le montre. Il l'a vu dans le commissariat en boitant. Alors, je disais, il a une jambe cassée, on boite pas, tu vois. Ouais, je veux bien. Il a peut-être été. Il a eu mal, ça peut-être. Mais de un, c'est un accident. De deux, il n'y a jamais eu rien de cassé, quoi. Je vais juste montrer la personne. Ouais, je veux bien. Qui se fait soi-disant fait mal. Ouais, il est là, il est juste là. Lui, il est de la radio en fait, donc si tu veux expliquer un peu. Tu veux que je t'explique quoi? Bah, explique-moi ce que t'as vu. Tu m'enregistres? Ouais, je t'enregistre. En fait, en gros, ce qui s'est passé, tu veux que je t'explique ce qui s'est passé sur place ou au commissariat? Les deux. Donc, en gros, l'action, c'était le but de rentrer à l'intérieur. Moi, j'étais un petit peu à l'arrière avec lui. Et en gros, Yuri, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait attraper par un policier. Il s'est dégagé une première fois. Il a voulu partir, le policier l'a rattrapé une deuxième fois et il s'est dégagé comme ça 5 fois sans exagérer. Au bout de la 5e fois, le policier tout seul s'est croqué la cheville. Et il a pris pour excuse qu'on l'avait poussé et qu'on lui avait cassé la jambe. Voilà. Donc toi tu affirmes que le mec il est à l'intérieur du commissariat? Moi j'affirme pas, j'en suis certain à 100%. Tu as vu ce flic à l'intérieur du commissariat? Non, ça c'est sûr à 200%. Il est juste là, c'est un petit gros avec des cheveux bruns, il est habillé en civil parce qu'à mon avis ils l'ont mis en congé. Et il fait semblant de boiter, quoi. Il est comme ça, il fait... Et tout le monde lui dit, ça va aller, tu vas pouvoir partir en vacances. Je sais pas pourquoi. Vous avez vu Donc voilà, la quoi. La bousculade avec le flic qui s'est pété là. Non, mais lui, il a parlé apparemment... C'est rien d'exceptionnel, en réalité. Non, c'est de la comédie. Il poussait par derrière, le gars était devant. Il lui poussait par derrière, le gars était devant. Bah, d'office, il est tombé avec d'autres militants. Moi, je crois que c'est Yuri qui est tombé aussi. Apparemment, il y a là, voilà, parce que donc, il faut vraiment... En tous les cas, qu'on liste qui l'a vu et tout ça, parce que c'est moche. C'est ce que dit l'avocate, faut peut-être aller lui parler. Ok, c'est qui? C'est la bonne femme en vert qui est juste là. Ah, ça y est. Et à l'intérieur, si c'est bien passé, sinon l'arrestation était de quel type? En fait, le problème, c'est qu'ils m'ont pris pour Yuri, comme j'ai des dreadlocks. J'étais en cellule, et il y a un flic qui est rentré, et qui m'a mis une énorme claque dans la gueule, en me disant que j'allais aller... où ça? Je sais plus. Comme quoi je devais aller au palais de justice pour me faire juger, naninana, que c'est mes parents qui allaient payer. Mmh. Alors je leur ai fait comprendre que c'était pas moi, mais ils ont pas voulu m'entendre, ils m'ont mis en cellule et puis ils m'ont lâché parce qu'à mon avis ils ont compris sur la carte d'identité que c'était pas moi. Mmh. Ils ont vu la différence de visage. Donc voilà quoi. Donc t'as reçu un coup en plus ici J'ai pris la claque de Yuri. C'était une belle. En fait, en tout cas, ils avaient la pression au même moment et il a eu de la chance. Je passais juste derrière le pic qui lui a mis. Ça a bien claqué. Franchement, c'était ici au commissariat. La plus belle claque de ma vie quoi. Les 3 secondes juste avant. Et alors après, ce qui s'est passé, c'est que je suis repassé devant le policier. Je suis repassé une deuxième fois devant le policier au moment où il avait compris que c'était pas moi. Et j'ai bien vu qu'à partir de ce moment-là, il fermait sa gueule, quoi. Qu'il avait fait une erreur. Il a rien fait. Moi, j'ai rien fait non plus. Donc voilà. Je peux aussi m'en prendre une, alors t'es là, non. T'enlèves ton pull, tu lui donnes, c'est pour aucune marque. Ton t-shirt. Non, rien du tout. Une marque de colson, c'est tout, quoi. Le fut, non. C'est pas important. Non, mais j'ai mon témoin. Il était là avec moi. Choqué. Vous avez dit qu'on serait libéré en premier parce qu'on gueulait pas. Yuri, Laurent, Raph, Caroline, Dernier. Ça, c'est du jeu. Qui ça qui est en judiciaire? Yuri, Laurent, Raph. Donc, les arrestations judiciaires sont faites. C'est quel prétexte? C'est coups et blessures à agent, c'est ça? Donc, c'est pour coups et blessures à agent. Et il passe demain devant le procureur du roi. C'est une décision du procureur du roi déjà de les garder jusqu'à demain. Il faut trouver. Merci. Hein.